Chapitre 14. Brigitte se promenait sur la place des Éparts à Chartres, comme si elle n'eût eu que cela à faire dans toute sa journée. Elle allait et venait à travers les étals des paysannes et les charrettes dételées des paysans, comme dans un élément qui lui était familier. Et en effet, dans la petite ville qu'elle avait jadis habitée, elle n'avait pas sa pareille pour se tirer en 5 minutes du marché le plus encombré. Ce n'était pourtant ni des légumes ni des fruits qu'elle cherchait. Elle attendait la venue d'un bonnet de linge soigneusement tuyauté qu'elle connaissait pour l'avoir vu désigner ainsi plus d'une fois par sa tante. « Voilà encore le bonnet de la vieille Florence. Mon Dieu, qu'il me donne sur les nerfs !» Pourquoi ce bonnet, parmi tant d'autres, agissait-il sur les nerfs de Madame Brun d'une façon si défavorable? C'est ce que nul n'eût pu dire. Peut-être était-ce parce qu'elle avait conservé une véritable horreur pour tout ce qui, de près ou de loin, André compris, tenait ou avait tenu à Rose Rosier. Florence apparut enfin, lente et indécise dans sa démarche, les yeux rougis et fatigués. Elle acheta bien modestement quelques frugales provisions, puis reprit le chemin de sa demeure. Brigitte se faufila sans bruit derrière elle. « Bonjour, madame, » dit la jeune fille d'une voix discrète. Florence se retourna, ébahie. Personne ne lui parlait jamais dans la rue, car elle ne regardait personne. « C'est vous, mademoiselle ?» dit-elle en reconnaissant le fin museau de Brigitte, qu'elle avait vu plus d'une fois à l'église et au marché, en compagnie de madame Brun. « Qu'y a-t-il pour votre service ?»« Rien, madame Florence. C'est pour le plaisir de votre conversation. Ce n'est pas trop gai de s'en aller seule par les rues. » Florence jeta sur la fillette un regard fait moitié de surprise et moitié d'interrogation, car Brigitte n'avait l'air ni craintive ni ennuyée. Mais comme elle était très polie, elle ne dit rien. « Ma tante est toujours de mauvaise humeur à présent, » continua la fine mouche. « Autrefois, elle était très gentille quand M. André venait dîner chez nous. Mais depuis qu'il est parti, elle me boude. » Au nom d'André, la vieille servante avait dressé l'oreille. Une vague inquiétude la travaillait toujours au sujet de l'ingénieur. Brigitte continua. « Elle me boude, parce qu'elle s'était mis dans la tête que je l'épouserais, et moi je n'ai pas voulu en entendre parler. »« Vous mariez avec Monsieur André ?» dit Florence, stupéfaite. « Quelle drôle d'idée !» Le coup d'œil qu'elle jeta sur la petite n'avait rien de flatteur. Mais Brigitte se souciait fort peu de l'opinion de la vieille femme. « N'est-ce pas ? » continua-t-elle, saisissant la balle au bon. « C'est une drôle d'idée, en effet, que de marier une toute jeune fille comme moi avec un veuf. Et encore un veuf qui n'est pas veuf comme tout le monde, car enfin, personne n'a vu mourir sa femme. Est-ce que vous savez où et comment elle est morte, vous ?» Malgré sa prudence instinctive, Florence, noyée dans un flot de souvenirs douloureux évoqués par la main brutale de la fillette, répondit tristement « Non ». « Il y a des gens, » continua Brigitte, en regardant à l'air, « qui disent comme ça qu'il n'aurait peut-être pas eu tort de s'en débarrasser, car elle l'avait bien mérité. Elle lui faisait des traits, vous savez. « Elle ?» s'écria Florence, indignée. « Allez, petite fille, laissez les morts tranquilles. Ou si vous en parlez, n'en dites que du bien, car sans ça, il pourrait bien vous arriver malheur. » Sans s'émouvoir, Brigitte reprit. « Tiens, vous ne saviez pas qu'il y a des gens qui disaient qu'il l'avait tué pour être veuf. » Les yeux pleins d'horreur, la vieille femme s'arrêta et regarda sa compagne de route. Le visage de celle-ci offrait l'expression de la plus candide innocence. « Je ne sais pas qui vous êtes, ni d'où vous venez, » dit enfin Florence, « mais vous êtes un vrai serpent. » Là-dessus, elle lui tourna le dos et prit à grands pas le chemin de sa demeure ordinaire, l'esprit hanté par de pénibles souvenirs que traversait de temps en temps, comme l'éclair d'un fer rouge, la dernière phrase de Brigitte. Celle-ci s'en alla tranquillement chez sa tante, à qui elle narra avec une impeccable mémoire les moindres détails du marché du jour. Elle omit seulement de parler de sa rencontre avec la vieille servante.